فإذا تكلم المتكلم يحسن السكوت. السامع لا يتشوف إلى شيء آخر. Lorsque le متكلم parle d'une chose, comment on peut dire que c'est mon fils? C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher à comprendre une autre chose. Hein. Il ne va pas demander une explication en plus. Si jamais tu lui dis, مثلاً, أنت مسلمون, il ne va pas chercher. Yani, il aura compris directement. Hein. Il ne va pas demander un plus pour comprendre la jumla. Donc c'est ça le mufid. يكون السامع يعني يفهم الكلام ولا يتطلب إلى غيره. Il ne demande pas une chose en plus. بالوضع يختلف في ذلك. لكن معنى الوضع c'est quoi? C'est le wad'u al-arabi, c'est-à-dire que ce soit composé, al-murakab al-mufid, il faut qu'il soit dans la langue arabe. Il faut qu'il soit dans la langue arabe. Amma al-murakab al-mufid, alladhi huwa bi lughatin ghayr al-arabiyya, c'est pas, on n'appelle pas ça un kalam. Mais c'est une phrase qui est composée d'une autre langue, comme what's your name, ila akhirihi, tamam, ça c'est pas un kalam. Inda al-nuha, chez les ulama de la grammaire arabe, ils n'appellent pas ça un kalam. Pour que ce soit un kalam, il faut que ce soit mufid, qu'on l'entende, et que ce soit de la loura al-arabiya. Et certains ont dit quoi? Bima'na al-wad' al-qasd. C'est-à-dire que le mutakallim, lemma yatakallam, yaqsud al-kalam. Faqalu as-sakran, wa kadhalika an-na'im, idha takallama, falaysa bi-kalam. Celui qui est, na'am, ivre, qui sait plus ce qu'il dit, ils n'appellent pas ça un kalam. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est pas, il n'a pas intentionné ce kalam-là. Celui qui est sakran, il sait plus ce qu'il dit. Si jamais tu le revois à jeun, il y en a le lendemain, tu vas lui dire t'as dit ceci et cela, il va dire non, je ne m'en rappelle pas d'avoir dit cela. Donc, ma qasada, il n'a pas intentionné ces paroles-là. Ils disent que ça, on n'appelle pas ça un kalam. On appelle un kalam à partir du moment que quoi, cette personne-là a intentionné. Kadalika, la personne qui dort. Et dans son rêve, Asma a parlé, celui qui est à côté de lui, il a entendu cette parole, il va lui dire le lendemain, tu as dit ceci et cela, il va dire non, je ne m'en rappelle pas de cela. Ma qasadahu, et bien certains disent que al-wad' c'est quoi? Il y en a qasd al-kalam. لكن الصحيح كما قال الشيخ العثيمين والله أعلم سكوى الورع هنا الوضع العربي كما قال رحمه الله تعالى الشيخ العثيمين في شرح الجرومية lorsque tu entends il y a des خلافs في اللغة العربية on prend le قول qui est quoi le plus simple il n'y a pas de mal à dire ceci ou cela لكن on prend le قول qui est plus simple donc ça c'est le كلام قال رحمه الله تعالى أقسمه ثلاثة أقسم الكلام ثلاثة يعني انتقدوا على المؤلف ils ont critiqué le مؤلف par rapport à cela parce qu'ils ont dit le كلام ليس يعني نعم ما يتقسم le كلام il se divise pas الكلام الكلام نطق مفيد أو كما قال اللفظ مركب المفيد بالوضع لكن قالوا لها هنا يرجع إلى الكلام c'est comme s'il avait dit أقسام الكلام ثلاثة ils ont dit هذا ليس بصحيح et certains ont trouvé une excuse au مؤلف ils ont dit qu'est-ce qu'il a voulu dire par là c'est أقسام مجموع الكلام C'est-à-dire le kalam sont composés, pour le composer, il se divise yani, de trois choses. Ismun wa fi'lun wa harfun jali ma'na. C'est pour ça que sahib al-mutammima, il a repris al-mu'allif, rahimahullah ta'ala, il a dit aqsam al-kalima. Naam. Ça c'est sahih. Al-kalima tanqasimu ila thalatha. Ismun wa fi'lun wa harf. Amma al-kalam la yanqasim. C'est pour ça qu'ils ont dit, il a voulu dire en vérité, majmou' al-kalam. Les choses par lesquelles se compose le kalam. Tamam. Donc là, aqsam al-kalam, c'est pas sahih. On dit aqsamu majmou' al-kalam thalatha. Si jamais on veut reprendre le mot al-lif. Amma aqsam al-kalam thalatha, laysa bi-sahih. Tam qala ismun. Al-ism madalla ala musamma. Tam, c'est le nom qu'on donne pour une personne. Tam, mathalan Abdullah pour moi. Tam, c'est mon nom. Wa 'inda ashab al-lugha, tam nahnu, al-ismu huwa madalla ala ma'na fi nafsihi wa la yaqtarin bi-zaman. C'est ce qui importe en sens en lui-même et qui n'est pas lié à un temps. مثلاً كرسي يدل على معنى في نفسه سكوى لا شوص ولا كلف تسوى لا يقترن بزمن تام إنه بالي عن زمن إنه بالي عن زمن نعم قال وفعل الفعل سالحدث الفعل سالحدث نفسه يعني في اللغة وعند علماء النحاة الفعل هو ما دل على معنى في نفسه ويقترن بإحدى الأزمنة C'est un mot qui indique un sens en lui-même et qui est lié à un des trois temps. Les trois temps, c'est quoi? Soit le ماضي, soit le حاضر, ou soit le مستقبل. أما الفعل, نعم, ينقسم إلى ثلاثة. لأن بعضهم يديزي, le temps ينقسم إلى ثلاثة. أي الأزمنة تنقسم إلى ثلاثة. Et ensuite, ils disent quoi? Ils disent ماضي, مضارع, et بارك الله فيكم, et أم. Ça, c'est pas صحيح. Il y a une différence entre le verbe et le temps. Le verbe, نعم, في العربي, في اللغة العربية ينقسم إلى ثلاثة. ماضٍ ومضارع wa amr. Ça c'est le verbe. Le verbe yun qasim la salasa. Amma le temps, t'as les temps verbaux, kazalika tam qasim la salasa, lakin mardin wa hal wa mustaqbal. Mardin c'est-à-dire passé. Hal le présent, wa mustaqbal le futur. Certains font une erreur. Lorsque tu leur dis yani al azmana ila kam tam qasim, il dit quoi? Mardin wa mudari' wa amr. Hada laysa bisahih. Le fi'l yun qasim la salasa, comme on a pu expliquer, kazalika al azmana les temps verbaux yun tam qasim la salasa. Et c'est trois choses différentes. Qala wa harfun. Naam. On revient sur le fi'l. Madalla ala ma'na fi nafsihi wa yaqtarin bi ihda al-azmina. C'est un mot qui a un sens en lui-même et qui est lié à un des trois temps. Mathalan daraba. Daraba. Il a un ma'na fi nafsihi. Qui est quoi? Darbun. Le nom commun. Darbun. La frappe. Et qui est lié au temps qui est quoi dans le passé? Mathalan darabtu. Ou yani, on va plutôt dire darastu. Darastu. Là, il y a une ma'na fi nafsiha qui est quoi? Ad-dars, qui est lié dans le temps qui est quoi? Dans le passé. Tam. Ad-rus, ça c'est dans le présent. Sa-ad-rus, dans le futur. Tam. Dalla ala ma'na fi nafsihi, qui est ad-dars, le fait de s'instruire, et qui est lié à un des trois temps, soit le passé, soit le présent, ou bien le futur. Qala wa harfun jadi ma'na. Naham. Parce qu'il y a des huruf, alati laysat laha ma'ani. Tam. Al-harfu yanqasimu ila qismain. Harfun. جاء لمعنى وحرف جاء لبناء وكما قالوا حرف مباني وحرف معاني حرف مباني c'est ce que tu utilises pour composer un mot les lettres de l'alphabet si jamais tu veux يعني de manière plus simple حرف مباني ايش معنى حرف مباني اي احرف الهجائيه les lettres de quoi de l'alphabet وحرف معاني ce sont des mots qui ont un sens en eux-mêmes lakin que le sens il n'aura pas de faïda excepté si jamais il est lié avec d'autres mots comme les huruf al-jar tam مثلا min wa ila wa ala wa an ila akhirih tam ce sont des mots qui ont un sens en eux-mêmes lakin ce sens là il ne pourra être compris que si jamais il est mis dans une phrase tam مثلا ila c'est bi ma'na al-ibtida ou plutôt ila c'est bi ma'na al-intiha tam lakin cette ma'na là qui est intiha tu peux pas la comprendre en elle-même tam si jamais je viens je te dis ila ça n'a pas de faïda. Comme la personne qui vient, مثلا, et frappe à ta porte, tu ouvres, il te dit ila. Tu veux dire ila ein. Tu vas demander qu'il ajoute une faïda afin qu'on comprenne la phrase. مثلا, s'il te dit ذهبتم إلى المسجد نعم. Là, c'est-à-dire que tu es parti vers la mosquée. Donc le harf ila, il a un sens. Lakin, ce sens-là, il sera complet que si jamais tu le mets dans quoi? Dans une jumla. هذا هو معنى حرف جاء لمعنى. Donc, الكلام أو بيتو الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أو مجموع الكلام ينقسم إلى ثلاثة فعل وإن بيتو اسم وفعل وحرف. قال فالاسم إن شاء الله بسنتي aujourd'hui histoire qu'on rattrape un peu et on va prendre ce qu'on peut إن شاء الله du prochain cours plutôt du cours qui a suivi. إن شاء الله كما قالوا كل ما تكرر تقرر. Plus tu répètes et plus ça fortifie ta mémoire, ta mémorisation. قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول ألف ولم وحروف الخفض. Il dit الاسم الآن après avoir nous avoir évoqué que الاسم il fait partie du مجموع الكلام. Là il va nous donner des علامة afin qu'on distingue, on sache يعني comment reconnaître un اسم d'un حرف d'un فعل. Donc il va nous donner quoi les علامة. Lorsqu'il dit فالاسم يعرف أي يميز, on le différencie avec ses autres sœurs qui sont le فعل le حرف par des علامة qui sont propres au اسم. قال يعرف بالخفض. والخفض سمع عبارة كي دوني كوا أصحاب الكوفة يعني معروف أصحاب اللغة العربية انقسموا إلى مدرستين تم يدوز قلب لكوفة و بصرة المؤلف رحمه الله تعالى بالجملة سكيكان كي أيتو با أيتودي يعني لكل دي بصرة لكن كي سوي تم المذهب لإيديولوجي كمون لأذهب بلتو أصحاب كوفة جدي بصرة سكوفة تمام أصحاب الكوفة ils appellent ça الخفض. La kalima qui se finit par une kasra ou ma naba anha, ils appellent ça khafd. Et ashab al-basra, ils appellent ça jar. Ils appellent kalayani ou plutôt l'ism al-majurur et ils appellent ça ismun makhfoud. Donc que tu dises khafdou ou bien jar, c'est la même chose. Si jamais une personne peut dire mais c'est quoi as-sahih, est-ce qu'on dit khafd ou bien on dit jar, dans cette mas'ala là, c'est simple, c'est sahal. Tu as le choix. Si jamais tu veux, tu dis khafd. Si jamais tu veux, tu dis quoi? Tu dis jar. Et les deux, c'est quoi? C'est deux mots pour exprimer la kalima qui se finit par une kasara

السين سيطوى on appelle ça سين وصوفا c'est حروف التنفيس ايش معنى التنفيس اي الاستقبال c'est-à-dire que le verbe qui va suivre derrière il aura le معنى بالاستقبال تمام et il rentre dans le fi'l qui est mudari dans le fi'l qui est quoi dans le mudari il rentre pas dans le mardi parce que le mardi c'est impossible que tu ramènes سين et le mardi pourquoi parce que mardi c'est une chose qui est passée et سين c'est pour une chose à venir donc il y a une contradiction on ne peut pas trouver ça نعم مثلا سوف ذهبت تمام سوف ذهبت c'est impossible تمام سوف ذهبت c'est impossible pourquoi parce que ذهبت c'est mardi et سوف ça porte le sens du futur donc c'est pas possible il rentre que dans le fi'l qui est pas mudari تمام et il faut savoir من باب الفائدة que le fi'l al-mudari بنفسه لا يدل لا على الحال ولا كذلك على الاستقبال مثلا شيء جدي افعل تمام افعل بنفسه on peut pas juger que c'est quoi l'ilhal le présent ou bien al-istiqbal le futur c'est pour ça qu'ils ont plus le fi'l mudari ايش معنى المضارع اي المشابه تمام c'est-à-dire que نعم il peut avoir le sens du futur comme le sens de quoi du présent لكن si jamais il نعم on trouve dans la jumla al-qarina on va juger avec cette qarina si jamais c'est pour le présent ou bien le futur مثلا si je dis af'al al-an تمام af'al al-an تمام ou plutôt مثلا adrus al-an تمام adrus al-an adrus هنا c'est al-istiqbal ou bien hal inchallah c'est une question pour vous تمام histoire que vous participez un peu أدروس الآن c'est الحال ou bien l'استقبال الحال نعم c'est الحال تمام c'est الحال c'est quoi la قرينه parce qu'on a dit الآن تمام الآن c'est quoi présent تمام نعم أدروس غدا سأدروس غدا هنا بمعنى الاستقبال تمام pourquoi parce que غدا on a غدا qui est rentré تمام et ça كذلك le sin تمام le sin c'est bien معنى يعني ou plutôt يعني il donne le sens au fi'l qui est quoi pour le futur donc sin sawfa huruf tanfis ma ma'na tanfis ay al istiqbal huruf istiqbal pour apporter le sens du futur au fi'l mudari donc si jamais tu vois sin wa sawfa dakhala ala kalima dakhala ta'ala kalima bi ma'na ish annahu c'est un fi'l ça peut pas être un ism mais dans le cas ça peut pas être un نعم harf قال وتاء التأنيث الساكنة نعم si jamais tu vois une kalima dans laquelle تاء التأنيث الساكنة elle est rentrée tu peux juger de cette kalima là que c'est un fi'l مثلا يعني قد قامت الصلاة قامت الصلاة قامت قد قامت الصلاة قامت هنا c'est quoi c'est un fi'l لماذا لأن دخل عليها تاء التأنيث الساكنة تاء التأنيث الساكنة et ça c'est une alama qui est quoi propre ماضي tu peux pas trouver تاء التأنيث الساكنة dans le مضارع وكذلك tu peux pas la trouver dans quoi dans الأمر c'est une علامة qui est خاص بالماضي comme سين وصوفا c'est une علامة qui est خاص pourquoi المضارع تمام et قد c'est une علامة qui est quoi مشتركة que tu peux trouver dans le ماضي et كذلك dans le مضارع تمام قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل الحرف c'est quoi sa علامة il suffit que tu connaisses علامة الاسم وعلامة الفعل فإذا عرفتهما si jamais tu connais les deux علامات tu vas connaître علامة الحرف c'est quoi c'est كلمة عدمية elle a pas d'علامة الحرف هو ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل ما معنى دليل أي علامة الفعل وعلامة الاسم à partir du moment qu'on a connu certaines des علامات du اسم كذلك du فعل on trouve une كلمة dans laquelle elle accepte pas ni la علامة de الاسم ولا كذلك علامة الفعل On juge de cette kalima-là que c'est quoi? Que c'est un harf. Mathalan, min. Min, on ne peut pas lui rentrer elle. On ne peut pas dire elle, min. Ça n'existe pas. Kazalika, il n'y a pas de tenwin. Il peut pas rentrer, on peut pas, il n'accepte pas tenwin. Kazalika, harf, on ne rentre pas dedans. Tamam? Min, il ne rentre pas dedans. Han, min, ça ne rentre pas dedans. Fi, min, ça ne rentre pas dedans. Tamam? Et kazalika, le khaft. Tamam? Ou le jar. Il n'y a pas un amel qui fait qu'il va finir avec une kasra. Ou mana ba'an une kasra. Donc on juge de cette kalima-là, déjà on peut dire que c'est pas un ism. Tam, on essaie avec alamat al-harf, al-absud al-fi'l. Qad min, ça rentre pas. Sin min, sawfa min, mint, ça rentre pas. Tam. Donc là, on peut juger de cette kalima-là que c'est quoi? C'est un harf. Tam. Kama qalu al-harfu laysa lahu alama. Faqis ala dhalika takun alama. Kama qala sahibu al-munhat al-i'rab. Il a dit al-harf c'est la kalima qui n'a pas d'alama. Sa alama elle est quoi comme ils ont dit elle est adamia c'est le néant ça c'était simple ça c'est ce qu'on avait pu voir inchallah dans les deux premiers cours comme Nahm s'était effacé, j'ai pas pu la récupérer de mon dictaphone, donc on a fait une brève révision. Donc Inch'Allah tabarak wa ta'ala, on suffit de cela. On a Allah subhanahu wa ta'ala, yinfa'ani wa iyakum, lima sami'na, wa an yarzuqana ilman yinfa'una, wa salli allahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbatihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid din, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مع تحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.